fallu attendre la fin du XXe siècle et encore pour casser cette idée reçue selon laquelle avoir mal au ventre pendant ses règles, c'est normal. Si des douleurs abdominales ne sont pas systématiquement synonymes d'endométriose, cette maladie chronique, pourtant diagnostiquée dès 1860, commence enfin à être reconnue et prise en considération. L'endométriose toucherait jusqu'à une femme en âge de procréer sur 10. Elle est encore diagnostiquée très tardivement, jusqu'à 5, 7, voire 10 ans après les premiers symptômes. Et la recherche biomédicale bute encore sur un traitement efficace et définitif. Endométriose, une maladie pas encore réglée, c'est le problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de cette maladie encore trop souvent tue, eh bien nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui autour de la table de la méthode scientifique Marina Gvaskov. Bonjour. Bonjour. Vous êtes épidémiologiste, chercheuse INSERM à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif. Bonjour Daniel Véhement. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche INSERM et responsable de l'équipe génomique, épigénétique et physiopathologie de la reproduction à l'Institut Cochin à Paris. Vous pouvez suivre, comme chaque jour, eh bien, cette émission sur les ondes de France Culture, où que vous nous écoutiez, ou sur notre fil Twitter également en complément, où nous postons chaque jour des articles, des liens vers les études que l'on évoque, des illustrations. Bref, pour compléter votre écoute, vous vous abonnez au fil @laméthodefc sur Twitter. Ceci étant dit, et pour commencer, je précise que le 24 mars prochain aura lieu la 5e Endomarche, la marche mondiale pour l'endométriose. Est-ce que cela veut dire que même si les lignes ont bougé, on va le voir, il y a encore aujourd'hui un important travail de sensibilisation à faire, Marina Gvaskov? Alors c'est vrai que ces deux dernières années, on parle beaucoup plus de l'endométriose qu'avant, parce que le travail des associations de patientes a énormément marché pour sensibiliser la population générale à la maladie. Mais davantage de travail est nécessaire encore, puisque pour l'instant, donc même si la population générale a entendu un petit peu plus parler de la maladie, on a besoin encore qu'il y ait davantage de choses qui soient faites, notamment au niveau des écoles, donc de la sensibilisation au niveau des infirmières, des enseignants, mais aussi des cliniciens, parce que il faut un certain niveau d'expertise pour diagnostiquer la maladie, pour la reconnaître. Et donc, oui, il y a encore du travail à faire dans ce domaine. On va évoquer les questions et les problématiques liées à tous les stades du diagnostic jusqu'à la prise en charge, l'opération qui est parfois nécessaire quand elle l'est, et puis la vie après, puisque comme je le disais dans l'introduction, il n'y a pas pour le moment de traitement définitif de l'endométriose. Un mot tout de même, Daniel Véhement, sur cette notion de sensibilisation, autant à l'adresse de la société, peut-être encore aujourd'hui, que des professionnels de santé? Alors c'est clair qu'en fait, depuis quelques années, moi je dirais peut-être même depuis avant 2 ans, on a commencé en matière de recherche à avoir une explosion d'études sur l'endométriose. C'est facile à suivre, en fait, il suffit de regarder les bases de données bibliométriques. En mettant le mot-clé endométriose, on voit qu'il y a à peu près 40 000 articles maintenant sur l'endométriose, il en sort à peu près 10 000 par an, et il y a 10 ans, c'était pas le cas. Donc il y a un intérêt scientifique général, mondial, en fait, pour cette pathologie, et qui est vraiment maintenant prise en considération, et probablement, comme disait Marina, directement liée à l'information des patientes, mais également des médecins, et comme vous disiez au début, à ne pas passer sous silence des douleurs de règles et aller plus loin dans leur analyse et la compréhension de leurs raisons. On va entendre tout au long de cette émission le témoignage d'une patiente, d'une femme qui souffre d'endométriose, qui va nous expliquer étape par étape comment sa maladie a été prise en charge, du diagnostic jusqu'à aujourd'hui, maintenant qu'elle a été soignée. Un mot tout de même pour essayer de comprendre comment se fait-il que cette maladie, qui est décrite donc dès 1860 par un médecin autrichien qui s'appelle Karel Rokitansky, comment expliquer qu'elle a été aussi longtemps tue ou restée taboue, pas prise en compte par le corps médical, Marina Gvaskov? Eh bien, parce que très certainement parce qu'elle concerne les règles, et que les règles, c'est encore aujourd'hui dans nos pays, dans notre pays, mais aussi dans le monde, un tabou. Il y a un récent sondage qui est passé sur Internet, qui a été fait aux États-Unis par une compagnie de sous-vêtements américaine, qui a montré que plus de 58% des femmes avaient honte d'avoir leurs règles. Donc il y a énormément de choses à faire pour briser ce tabou. Et donc voilà, c'est un tabou encore actuellement, donc il y a beaucoup de choses à faire. À ce sujet-là, je recommande à nos éditeurs et à nos auditrices la lecture du très bon livre d'Élise Thiébaut qui s'appelle « Ceci est mon sang », petite histoire des règles de celles qui les ont et de ceux qui les font, et qui explique très bien ce tabou. Un mot, Daniel Véman, oui, pour expliquer cela aussi. C'est quand même, justement, c'est un peu pas du tout pour prendre le contre-pied, mais c'est remarquable en fait qu'en fin du 19e siècle, il y a quand même des médecins qui étaient pratiquement que des hommes, qui ont quand même voulu briser ça et aller étudier ça et mieux comprendre ça. Et en fait, d'ailleurs, dans l'histoire de l'origine de l'endométriose, il y a plusieurs théories, il y a 3-4 théories. La théorie principale, on aura peut-être le temps d'y revenir après, elle a été développée en 1927 par un monsieur qui s'appelle Samson, un Américain, si je ne me trompe. Et voilà, je ne sais pas si... Si, allez-y, au contraire, c'est donc cette théorie, en fait, elle est basée sur le reflux menstruel. Donc, c'est l'idée que les règles vont... pour une petite partie, remonter en fait l'utérus, remonter les trompes de Fallope et en fait passer dans la cavité péritonéale et en fait s'implanter sur le tissu rencontre d'abord, donc d'abord l'ovaire et puis après sur des tissus de la cavité générale. Alors ça peut être le rectum, le vagin, les ligaments utérosacrés. Et ce qui est très intéressant, c'est que donc ce reflux menstruel existe chez au moins 90% des femmes ou toutes, et que manifestement il y en a, comme vous disiez au début, à peu près 10% au maximum qui développent une endométriose. Donc ça pose une question scientifique très intéressante de ce point de vue là également. Peut-être faut-il préciser, Marina Gvaskov, ce qu'est l'endomètre et les caractéristiques biologiques de ces tissus particuliers qui génèrent les règles, parce que ça aide à comprendre les mécaniques biologiques derrière qui sont à l'œuvre dans l'endométriose. Oui, donc l'endomètre, c'est la muqueuse qui tapisse la cavité interne de l'utérus et qui se gonfle tous les mois et qui s'évacue au moment des règles. Donc qui est là à la base pour accueillir un embryon lorsqu'il y a fécondation. Et lorsqu'il n'y a pas fécondation, ce tissu s'évacue et donc ce sont les règles. Et donc, dans l'endométriose, effectivement, comme ça a été dit par Daniel, donc certains fragments de ce tissu endométrial vont remonter par les trompes, en tout cas c'est ce qu'on pense. Et donc il y a certains facteurs qui pourraient provoquer l'implantation des lésions chez certaines femmes. C'est-à-dire qu'en fait, cet endomètre va aller s'implanter sur d'autres types de tissus qui ne sont pas le tissu utérin, et donc créer en fait une sorte de règle, voilà. En fait, ça va faire un utérus ectopique. Voilà. C'est en fait ce qui se passe, c'est un peu comme si il y avait dans ces cellules qui remontent une programmation pour régénérer une structure utérine, mais pas du tout à l'endroit utopique, c'est à la place qu'il faut. Et ce tissu, il va conserver toutes les caractéristiques cellulaires, à savoir la réponse aux hormones en particulier. Et quand il y aura le bain hormonal lié à la fonction ovarienne, eh bien, il va répondre. Et donc, il va saigner. Et voilà, donc c'est pas du tout normal, en fait, d'avoir du sang qui se libère dans la cavité péritonéale. Et donc, ça a des conséquences qui sont très, très diverses, en fait, chez les femmes. On pourra y revenir après, peut-être. Bien sûr, on va y revenir. On peut dire encore un mot pour dire que donc, ça remonte, évidemment, ça touche au premier chef les organes les plus proches, mais ça peut remonter très, très haut, l'endométriose, Marina Gvaskov. Oui, ça peut remonter dans des localisations plus éloignées, comme les poumons ou le cerveau, même si ce sont des localisations plus rares. Et donc ça, on ne sait pas très bien l'expliquer, justement, puisque la théorie du reflux menstruel, bon, on comprend bien la localisation dans la cavité pelvienne, mais dans des localisations si éloignées, on ne la comprend pas encore. Et toutes les théories qui existent, effectivement, il y en a plusieurs, il n'y a aucune qui est complètement satisfaisante et qui permet d'expliquer toutes les localisations et tout ce qu'on observe. Aujourd'hui, quels sont, donc on l'a dit, l'épidémiologie, c'est environ une femme sur 10, c'est une épidémiologie au niveau international, au niveau mondial, Daniel Véman ? Oui, c'est à peu près dans tous les endroits où ça a été testé, on est sur les mêmes ordres de grandeur. Ça, dans certaines études, on va dire que c'est 5%, ça va, mais généralement, oui, on tourne autour de ce chiffre de 10% à quel que soit l'endroit. Alors par contre, il est possible, il est vraisemblable, mais c'est pas vraiment démontré, que certains environnements soient plus à risque, et on retrouve la thématique des perturbateurs endocriniens, parce que bon, l'endométriose est une maladie où la base hormonale, comme on l'a compris, est importante, et donc bien sûr, des substances qui ressemblent à des hormones vont potentiellement avoir un effet. Donc effectivement, des populations pourraient être plus exposées, mais à l'échelle des nations, on n'a pas vraiment de grandes différences observées. Ce qu'on comprend bien aussi à travers cette épidémiologie aujourd'hui et surtout les diagnostics et les symptômes, c'est que l'endométriose se développe, Marina Gvaskov, de façon très différente chez chaque femme. Il n'y a pas une endométriose générale, c'est-à-dire qu'elle peut être très différente, elle peut être quasiment asymptomatique, comme elle peut être évidemment très grave sur des formes très aiguës. Tout à fait. En fait, l'endométriose, c'est une maladie qui est hétérogène. On parle d'endométriose, mais on sait que très certainement, il n'y a pas une endométriose, mais des endométrioses. Et ça fait partie justement des grands défis actuels de la recherche sur l'endométriose aujourd'hui. C'est de déterminer les différentes formes de la maladie. Parce qu'on sait que certaines femmes se présentent avec différents symptômes, avec différents... Il y a des femmes chez qui ça génère une infertilité, chez d'autres non. Il y a des localisations qui sont différentes, des stades différents, une évolution différente. Et donc pour l'instant, la classification actuelle de la maladie en différents stades ne permet pas de prédire la réponse au traitement et elle n'est pas corrélée aux symptômes. Et comme vous l'avez dit, effectivement, il y a certains cas qui sont asymptomatiques et ça rend très difficile l'évaluation de l'épidémiologie descriptive de la maladie. Parce qu'en termes de prévalence, donc effectivement, on parle d'une femme sur 10, et en fait, on a donné ce chiffre parce que on a regardé finalement l'estimation de la prévalence des symptômes dans la population générale. Donc la prévalence des femmes qui ont des dysménorrhées sévères et aussi par rapport à la prévalence de l'infertilité. Et donc quand on regarde ça, on se dit que, ça a été validé, hein, on pense qu'il y a 10% des femmes en âge de progrès qui sont touchées. Mais dans les études épidémiologiques, on retrouve des proportions assez faibles. Et il y a une seule étude qui a montré une prévalence de 11%. Donc actuellement, donc ça c'était chez des femmes qui étaient dans une population témoin à qui on a fait passer une IRM. Et donc chez les femmes qui ne se savaient pas atteintes, on avait une prévalence de 11% chez elles. Mais pour le moment, on n'a pas vraiment d'indicateur fiable d'estimation de la prévalence de la maladie. Et ça, c'est parce qu'elle est difficile à diagnostiquer et que certains cas sont asymptomatiques. On va parler du diagnostic dans un instant. Je voudrais juste qu'on précise deux choses avant d'aller plus loin dans cette émission. C'est que d'une, quand vous dites, Marina Gvaskov, qu'il y a des endométrioses, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr aujourd'hui de l'origine de cette maladie, si elle est génétique. Vous avez parlé d'épigénétique, Daniel Vémin, de perturbateurs endocriniens. Pour le moment, on ne sait pas s'il y a différentes variantes de ces maladies, par quoi elle est provoquée. Et deuxième chose sur laquelle je vous demande, c'est qu'il n'y a pas de traitement définitif. Alors, pour répondre à la première partie de la question, concernant la génétique, donc il y a des outils maintenant qui permettent, même quand on connaît très mal, voire trop mal une maladie, de faire de la génétique quand même. C'est-à-dire qu'en fait, on va prendre un très grand nombre de femmes atteintes, un très grand nombre de femmes pas atteintes, et on va regarder, on va screener leur génome, pour voir s'il y a des variants qui sont là. Alors auparavant, on savait par des études sur des jumeaux que ce qu'on appelle l'héritabilité de l'endométriose est autour de 51%. C'est-à-dire qu'il y a une part génétique qui est forte, mais bien sûr, on a une maladie complexe, comme Marina l'a dit, et donc une maladie qui est multigénique et où l'environnement va impacter les gènes. Donc c'est les cas de grandes maladies complexes, le diabète, l'obésité, le cancer, etc. Donc on rentre en fait dans cette situation-là. Et en fait, ça a été complètement montré par les premières études de ce qu'on appelle des Genome Wide Association Studies, donc des études globales sur le génome sur des grands groupes de patientes, où en fait on trouve de façon très significative des variants génétiques associés à la maladie, c'est-à-dire des variants qui, sans aucun doute, statistiques sont là, mais par contre qui expliquent extrêmement peu. C'est-à-dire qu'ils vont vous donner un risque relatif de 1,2. Oui, voilà, ça va. Quand vous avez le variant à risque, vous avez 20 ou 30% de chances d'avoir la maladie en plus. Donc c'est la première partie de la réponse. Et sur la question du traitement, parce qu'on y reviendra, parce qu'il y a évidemment des traitements, mais juste pour dire qu'il n'y a pas de traitement définitif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas soigner l'endométriose en disant « Ah, on vous l'a diagnostiqué, on vous donne tel ou tel médicament et vous en êtes débarrassé », ça n'est pas le cas. Complètement. C'est pas comme une maladie, vous avez une infection, on va vous donner par exemple des antibiotiques ou vous êtes vacciné, donc vous allez éliminer complètement la cause, là c'est pas le cas, bien sûr. Ce qui fait de l'endométriose, Marina Gvaskov, une maladie chronique. Exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est une maladie chronique qui demande un suivi médical sur le long terme. Et donc les traitements qu'on met en place, c'est un traitement hormonal pour stopper les règles, donc pour soulager les symptômes. Après, c'est un traitement antalgique et si ça ne suffit pas, on prévoit un traitement chirurgical pour enlever les lésions. Eh bien justement, nous avons choisi aujourd'hui, une fois n'est pas coutume dans l'émission, de vous faire entendre le témoignage d'une femme atteinte d'endométriose, puisque comme le disait tout à l'heure Maïna Gvaskov, le changement paradigmatique a largement été généré par la mobilisation d'associations de patientes. Et donc vous allez entendre le témoignage donc de Sophie Levasseur, hein, que nous avons pu rencontrer nous-mêmes via l'association Endomind, une association qui milite pour la sensibilisation des citoyennes et des citoyens ainsi que des pouvoirs publics et médicaux aux problématiques liées à l'endométriose. Première partie du témoignage de Sophie Levasseur, c'est le diagnostic, écoutez. Mon endométriose a été diagnostiquée il y a maintenant 4 ans. Pendant 4 ans, j'ai galéré pour avoir un diagnostic. C'est un changement de pilule qui a fait que l'endométriose s'est réveillée, ou du moins est apparue. Donc je demandais à mon gynéco, c'est pas normal, j'ai mal. Et elle me disait, non, c'est normal d'avoir mal pendant les règles, comme beaucoup de gynécos répondent à leurs patientes. Et puis, j'en ai parlé à un médecin traitant qui m'a dit, c'est soit un Crohn, soit une endométriose. Et donc, on est venu à un scanner qui a mis en lumière des nodules un peu partout dans l'abdomen. Voilà. 4 ans, ça paraît être une éternité. Comment vous avez vécu cette maladie-là et est-ce que c'était vraiment handicapant pour votre quotidien ? 4 ans, je m'estime heureuse. Le délai de diagnostic de l'endométriose, c'est 7 ans aujourd'hui en France. Donc c'est vrai que je me disais, c'est pas normal et j'avais pas de réponse. Donc c'est ça qui est surtout très angoissant dans une vie de jeune femme, parce que le matin, on peut pas se lever, on se dit, mais voilà, qu'est-ce que j'ai ? Est-ce que je suis vraiment une chochotte ou est-ce que j'ai vraiment un problème ? Mais voilà, après, ça s'est mis en route et j'ai eu beaucoup de chance parce que ça a été très vite après le diagnostic. Voilà, vous venez d'entendre donc cette première partie du témoignage de Sophie Levasseur. Une réaction à cette question du diagnostic qui est un vrai problème central, hein, diagnostic extrêmement tardif et compliqué à faire. Maïna Gvaskov, pourquoi ? Oui, c'est un vrai problème. Donc pourquoi il y a ces retards de diagnostic ? Eh bien, d'une part parce que on a du mal à diagnostiquer cette maladie, on a du mal à la reconnaître. Il y a une composante un petit peu sociétale qui est que, l'a très bien dit la personne qu'on vient d'entendre, on pense que les règles c'est normal d'avoir mal. Y compris de la part d'un gynécologue, hein, ou d'une gynécologue en l'occurrence. Oui, et y compris de la part des femmes aussi, parce que finalement la douleur c'est assez subjectif et c'est très difficile de savoir. C'est une maladie invisible, donc on ne voit pas de l'extérieur, on peut pas ressentir la douleur que la personne ressent. Donc il y a cette composante sociétale-là et il y a la composante aussi scientifique qui est et médicale, qui est de bien connaître la maladie, parce que même chez les médecins, même chez les gynécologues, tous ne sont pas experts pour diagnostiquer la maladie, parce que les lésions sont très difficiles à trouver. Et même, les recommandations de prise en charge de l'endométriose ont changé très récemment. En décembre 2017, elles ont été présentées au congrès du Collège national des obstétriciens et gynécologues français, pour donc un travail qui a été fait pour la Haute Autorité de Santé. Et ces recommandations maintenant disent que c'est l'imagerie médicale qui est le gold standard pour le diagnostic de l'endométriose. Et ça, c'est nouveau parce que pendant très longtemps, ça a été la chirurgie. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on disait que pour diagnostiquer, pour dire qu'on a une endométriose, il fallait voir les lésions après avoir ouvert. Mmh. Voilà. Maintenant, c'est l'imagerie médicale, c'est-à-dire l'échographie endovaginale et l'IRM. Et c'est vrai que ces techniques demandent une certaine expertise pour voir les lésions, parce qu'elles sont très difficiles à visualiser. Daniel Véhement, sur ce problème du diagnostic, c'est un diagnostic donc complexe à poser, c'est un diagnostic qui demande une imagerie médicale. On sait que l'imagerie médicale, ça coûte de l'argent, ça prend du temps, c'est encore très compliqué aujourd'hui de diagnostiquer clairement une endométriose. Je pense que quand vous avez une équipe clinique qui est vraiment spécialiste, là ça peut aller extrêmement vite. Mais il faut avoir accès à cette équipe clinique, intervenir. Et même peut-être avant d'avoir de l'imagerie. C'est-à-dire après ils vont confirmer par l'imagerie ce qu'ils ont observé. Mais il y a juste un point sur lequel je voulais revenir, c'est en fait le fait que ce soit diagnostiqué tardivement, c'est peut-être lié en partie à l'évolution de nos sociétés. C'est-à-dire que dans une société, l'humanité a vécu pendant 99% de son temps une société où les femmes devenaient enceinte très très tôt, c'est-à-dire pratiquement dès les premières règles, à 13-14 ans. Et je parle des temps vraiment... Il y a très longtemps. C'est pas si longtemps à l'échelle humaine. Oui. Sur 200 000 ans, c'était vrai il y a 190 000 ans ou 195 000 ans. Et puis, elle mourait jeune. elle mourait en couche fréquemment, et donc quelque part, la maladie avait peut-être moins le temps aussi d'apparaître, de se développer. Donc quelque part, ça, il y a une composante là-dedans qui intervient. Alors ça justifie pas, bien sûr, le retard diagnostique, et je pense que maintenant, enfin, dans beaucoup de pays, quand une femme a des douleurs de règles récurrentes comme ça, très fortes, en plus, il y a des échelles de douleurs, ça c'est important aussi. Peut-être qu'il faut préciser ça aussi, hein, parce qu'on parle de douleurs de règles, on dit, on a été habitué à dire, bah oui, t'as tes règles, c'est normal, t'as un peu mal au ventre. Voilà. Sur une échelle de 1 à 10, c'est quand ça, on a l'endométriose, on est à 10. Exactement, c'est ça. Dans certaines endométrioses, et 10, pour que les gens se situent, c'est une fracture ou une crise de colique néphrétique. Ou un accouchement. Voilà, donc c'est le maximum, en fait, sur la gamme. Et donc, dans certaines endométrioses, on a ça. Voilà. On va reparler un peu aussi de la recherche, parce que la recherche, notamment en génétique ou en épigénétique, peut aboutir, cherche à trouver des méthodes diagnostiques qui soient des méthodes plus simples et moins lourdes que celles de l'imagerie. On peut comment lutter contre ce retard de diagnostic? Comment faire? Parce qu'il y a évidemment un travail de sensibilisation à faire auprès des citoyennes, auprès des femmes, mais aussi auprès, vous le disiez tout à l'heure, dans les établissements scolaires, auprès du personnel médical, du personnel soignant, des infirmiers, des médecins aussi généralistes peut-être? Oui, tout à fait. Ça fait partie des campagnes de sensibilisation des associations de patientes qui ont prévu une convention avec le ministère de l'Éducation nationale. Donc ça, c'est tout à fait nécessaire. Et sur l'intervention milieu scolaire. Sur l'intervention milieu scolaire, oui. Donc cette convention-là prévoit de faire une sensibilisation auprès des infirmières scolaires, auprès des enseignantes, pour prendre au sérieux les plaintes des adolescentes. Parce que justement, l'endométriose, on pense vraiment que c'est une maladie de la femme jeune. La proportion de cas dans la population adolescente n'est pas négligeable, même si on n'a pas vraiment de chiffres sûrs. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que chez les adolescentes qui souffrent de règles sévères, de règles douloureuses, de douleurs de règles, pardon, sévères, eh bien, la prévalence de la maladie est autour de 70%. Donc, c'est assez élevé et il faut vraiment prendre au sérieux ces plaintes des adolescentes. Un mot peut-être, Daniel Véhement, pour dire que dans les lieux communs ou dans les idées reçues, l'endométriose, c'est la grossesse permet d'en guérir, c'est vrai, c'est faux. Alors non, ça guérit pas. Ça, pendant la durée de la grossesse, les symptômes vont disparaître parce qu'il y aura plus de règles. Et en fait, d'ailleurs, le traitement est basé sur une sorte de ménopause artificielle. À la ménopause aussi, les symptômes s'arrêtent. Donc ça guérit pas. Ça on l'a dit, mais ça fait que pendant la durée de la grossesse, la femme est protégée, quoi. On lit souvent endométriose et infertilité. Quel est le lien exact entre les deux? Est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'on peut l'établir? Ou est-ce que là aussi, Daniel Véhement, c'est un peu complexe? Alors, c'est extrêmement complexe. Le lien, il est là. On estime que peut-être la moitié des infertilités féminines sont liées à de l'endométriose. Donc, c'est quelque chose de considérable. Par contre, aller vraiment au fond de la cause, c'est compliqué parce que ça peut être des causes de comportement, ça peut être des causes moléculaires, c'est probablement les deux. Des causes de comportement parce que, par exemple, lorsque une femme a de l'endométriose, un des moments douloureux, c'est pas seulement les règles, c'est aussi les rapports. Et donc ça fait que ça va diminuer la fréquence des rapports et donc fatalement, ça va avoir une incidence en fait sur la fertilité. À côté de ça, on peut se poser la question de savoir, on se l'est posé bien sûr, beaucoup se sont posés, est-ce que l'utérus, l'endomètre ectopique d'une patiente endométriotique est le même que celui d'une patiente non endométriotique? Et la réponse, quand on fait des analyses moléculaires à haut débit sur l'expression des gènes, c'est que la réponse est non. Et en fait, il y a une sorte de gradation, par exemple, de gènes d'inflammation, de l'expression de gènes d'inflammation, entre un utérus, entre guillemets, de patiente non atteinte, utérus normal, entre un utérus ectopique à la bonne, normale, en fait, entre guillemets, l'utérus à la bonne position d'une patiente endométriotique et la lésion, où on va avoir un gradient, en fait, d'expression de gènes d'inflammation. Et juste pour appuyer également le côté hétérogène, c'est que quand on fait de l'histologie sur la lésion d'endométriose et qu'on cherche des marqueurs d'innervation, comme par exemple, il y a une protéine qui s'appelle le NGF, le Nerve Growth Factor, on va trouver d'énormes différences entre patientes. Donc il y a des patientes qui ont des lésions très innervées et d'autres pas innervées du tout. Donc qui sont plus douloureuses. Exactement, évidemment. Potentiellement qui sont plus douloureuses. Donc voilà. Et là aussi, la compréhension moléculaire de ce qui se passe et le fait qu'il y a plusieurs types à disséquer, c'est crucial. Un mot, Marina Gvaskov, là-dessus, sur ce lien entre endométriose et infertilité. Plusieurs études ont en tout cas fait des liens épidémiologiques entre endométriose et nombre de fausses couches, pour le coup. Oui, tout à fait. L'endométriose est aussi associée à un nombre plus élevé de fausses couches et aussi à un certain nombre de complications liées à la grossesse. Et donc ça, c'est voilà, le lien avec l'infertilité, comme le disait Daniel, est tout à fait établi. Maintenant, ouais. Voilà, il se peut que, par rapport à l'hétérogénéité de la maladie, il se peut que ce soit différentes formes de l'endométriose chez les femmes infertiles et chez les femmes non infertiles. Mais juste une information, c'est en ce qui concerne les complications de la grossesse. C'est une observation qu'on a faite au laboratoire, qu'on a publié il y a 2 ans. En fait, les lésions d'endométriose, on en trouve aussi sur les membranes fœtales. Ça, c'est très surprenant parce que le bébé est enveloppé dans l'amnios et dans le chorion. Et en fait, on a montré au laboratoire qu'il y a des lésions d'endométriose chez les femmes endométriotiques sur les membranes. Est-ce qu'il pourrait sur les membranes, c'est-à-dire sur les membranes, c'est les poches en fait qui entourent le bébé. D'accord. Et donc ça pourrait avoir des conséquences sur des accouchements prématurés, sur éventuellement pas des fausses couches à ce stade-là, bien sûr, mais enfin des problèmes de la grossesse. Et donc il y a des liens en fait qui n'étaient pas vraiment établis et qui commencent à être de plus en plus connus au niveau épidémiologique entre ces deux types de pathologies. Et juste pour terminer, c'était très étonnant pour nous de voir ça, parce qu'en fait, d'un point de vue génétique, la lésion d'endométriose, c'est un génome maternel, et les cellules du fœtus sur les membranes sont des cellules fœtales. Donc avoir de l'implantation, c'est curieux, puisqu'en fait, théoriquement, d'un point de vue immunitaire, ça ne serait pas compatible. La méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h26 sur France Culture, nous parlons d'endométriose tout au long de cette heure en compagnie de Marina Gvaskov et de Daniel Véhement. Deuxième partie du témoignage de Sophie Levasseur, donc après le diagnostic que vous avez pu entendre tout à l'heure, la prise en charge et le traitement, en l'occurrence pour Sophie Levasseur, pas de traitement, elle est allée directement en chirurgie. J'ai tout de suite été entre les mains d'un chirurgien spécialiste de l'endo, qui m'a fait faire une batterie d'examens, qui m'a pris entre quatre yeux après ces batteries d'examens en me disant voilà, aujourd'hui vous êtes dans un tel état que je ne parle même pas de possibilité d'enfant, parce qu'il m'a dit texto que j'étais infertile. Et il m'a dit faut vous opérer pour vous trouver une vie normale. Et ça s'est enchaîné très très vite. Il m'a mis sous ménopause artificielle le temps de l'attente pour voilà, limiter les douleurs, etc. Puis préparer le corps aussi à la chirurgie. Donc c'est une opération pour ma part très lourde, avec un gynéco, un urologue et un gastro-entérologue, puisque moi tout ce qui était urinaire était touché, tout ce qui était gastro était touché, j'avais 3-4 nodules sur les intestins, et bien entendu la partie gynécologique était touchée aussi. Il ne faut pas croire que l'endométriose reste dans le pelvis. Moi, c'était remonté jusqu'à dans l'abdomen, sous le diaphragme, donc c'est arrivé sous les côtes. J'ai encore un nodule sous le foie qu'on n'a pas pu enlever. Donc c'est une chirurgie qui a duré 9 heures, avec une convalescence de 14 jours à l'hôpital, qui s'est soldée par l'ablation d'une trompe, d'un ovaire. Il y a eu un tiers d'intestin enlevé, la moitié du rectum. Et après, ça s'est soldé par un arrêt de travail de 6 mois. J'ai été réopérée 3 mois après pour une remise en continuité de l'intestin. Donc tout s'est très bien passé. Après ce qui s'est passé là, c'est quand même des opérations très très lourdes. Est-ce que vous envisagiez d'avoir un enfant ou c'était une idée qui vous était complètement sortie de la tête? Alors l'idée d'avoir un enfant, bien entendu, était encore là avec un espoir post-opératoire. Le chirurgien m'avait bien expliqué que de toute façon naturellement ça ne se ferait pas. Puisque en fait les femmes qui ont de l'endométriose importante deviennent toxiques pour le sperme. Donc on a quand même essayé 6 mois d'essayer bébé naturel, puis on est passé sur la FIV, ce qui n'est pas forcément un parcours simple. Fécondation in vitro. La fécondation in vitro, exactement, excusez-moi. Et ça s'est soldé par un petit bébé. Voilà, une histoire qui se termine bien, mais on voit là que Sophie Levasseur donc souffert d'un cas grave, sérieux d'endométriose. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Marina Gvaskov? C'est un témoignage tout à fait émouvant, qu'on entend beaucoup malheureusement. Donc effectivement, il y a différents stades de l'endométriose et différents degrés d'invasion. Et donc là, cette personne a eu un degré d'invasion important. Un mot peut-être pour dire. Alors déjà, je vous le signale parce que on vient de nous poster ces messages sur Facebook. Il y a un site qui s'appelle monendométriose.net qui récolte des témoignages de femmes qui souffrent d'endométriose. Donc voilà, j'ai retweeté le lien. On va vous le remettre aussi sur le fil de la méthode scientifique pour partager ces expériences qui, comme celle de Sophie Levasseur, sont des expériences qui font basculer une vie quand on souffre à ce point-là d'une maladie avec cette gravité-là. Daniel Véhement, mais encore une fois, le traitement n'est pas toujours aussi grave que celui de Sophie. Il y a un premier niveau d'intervention qui peut être un niveau d'intervention en hormonothérapie. Tout à fait. Donc, en fait, dans les méthodes les plus classiques, on a ce qu'on appelle les agonistes de la GnRH. Donc la GnRH, c'est une hormone hypothalamique qui va agir sur l'hypophyse et qui va bloquer la production de FSH et de LH. Dans le cerveau, donc. Voilà, c'est ça. Et donc, par contre, le FSH et LH agit sur la sphère gonadique et utérine. Et ça, c'est une des lignes. Et la plus classique, c'est plutôt des traitements de type progestatif qui vont, arrêter en fait la production d'œstrogènes et donc arrêter un certain nombre de caractéristiques de l'endométriose. Je présume, la patiente qu'on a entendue, elle a dit au début qu'elle avait été changée de pilule. Il se pourrait en fait qu'elle ait une pilule dosée moins au changement, et c'est peut-être ça qui a révélé la maladie. Mais c'est une hypothèse, j'en sais rien. Mais... Un mot pour aujourd'hui, tout traitement, toute solution médicamenteuse passe forcément, Marina Gvaskov, par l'aménorrhée, c'est-à-dire par l'interruption des règles. Oui, je pense. Faudrait demander ça à un clinicien, mais je pense oui, parce que c'est grosso modo, disons que dans le traitement de l'endométriose symptomatique, on va vraiment traiter les symptômes, parce que ce sont les symptômes qui provoquent cet impact très invalidant dans la vie quotidienne. Je pense qu'il en est différemment pour les femmes qui souffrent d'infertilité, parce qu'elles n'ont pas forcément de symptômes. Très souvent, l'endométriose asymptomatique est découverte de manière fortuite lors de l'investigation d'un épisode d'infertilité. Donc, chez les personnes infertiles qui sont asymptomatiques, j'imagine qu'il ne doit pas y avoir de traitement d'hormonothérapie. Daniel Véhement. Oui, en fait, d'un point de vue, alors au niveau de la recherche, il y a d'autres tentatives qui sont faites, soit dans des modèles animaux, parce qu'il y a des modèles animaux d'endométriose, par exemple chez le babouin ou chez la souris, soit dans des modèles cellulaires avec toutes les limites en fait que ça présente, parce que bien sûr, un organe complexe comme l'utérus, ça va pas se modéliser par une cellule, mais néanmoins, par exemple, on sait que dans l'endométriose, il y a une méthylation du promoteur du gène du récepteur à la progestérone qui fait qu'il y a une résistance à la progestérone. Alors une méthylation, il va falloir expliquer un petit peu. Une méthylation sont des processus d'épigénétique, c'est-à-dire qu'il y a une transformation, on déplie un gène ou on replie un gène qui va s'exprimer ou ne pas s'exprimer. Voilà, c'est exactement ça. Donc en fait, la méthylation, ça fait partie de la boîte à outils épigénétique de la cellule. Donc toutes les cellules ont le même génome, mais vous savez bien que certaines cellules expriment des gènes et d'autres ne les expriment pas. Et ça, c'est régulé par des mécanismes épigénétiques. La méthylation, c'est l'un d'entre eux. C'est-à-dire qu'en général, quand la région qui régule l'expression d'un gène, qu'on appelle le promoteur, est fortement méthylée, ça va éteindre le gène. C'est-à-dire que ça le replie sur lui-même, ça le compacte en quelque sorte, et la cellule n'a plus accès pour pouvoir lire exactement. Et décoder l'ADN. Elle a le livre, mais le livre est fermé. Voilà, il est exactement. Et donc l'idée, ça serait peut-être d'arriver à le rouvrir. Le problème, c'est que par exemple, les drogues qui déméthylent l'ADN, on en a comme, il y en a en tous les cas comme l'azacitidine. Elles n'ont pas d'effet spécifique sur une région du génome, donc elles vont avoir des effets secondaires. Et donc, pour le moment, il y a quelques rares tentatives qui ont été faites chez l'homme, mais c'est très modéré. Et par contre, on peut avoir quelques résultats intéressants sur des modèles animaux ou des modèles cellulaires. On va justement aller voir un peu du côté de la recherche en génétique et en épigénétique, peut-être. Un mot pour dire que j'ai lu en préparant cette émission que l'une des pistes de recherche tournait autour du stress oxydatif. Daniel Véhement, vous voyez de quoi il s'agit. Une équipe de Charles Chaperon, d'ailleurs à l'hôpital Cochin, qui a mis en évidence un lien entre l'endométriose et un stress oxydatif. C'était en 2014, vous pouvez nous expliquer de quoi il retourne. Là, ça, c'est l'équipe de Frédéric Batteux, avec qui donc, on travaille aussi, et en fait, dont la spécialité est le stress oxydatif. Le stress oxydatif, c'est en fait ce qui se passe quand, par exemple, la chaîne respiratoire fonctionne à un mauvais rythme, et il va y avoir des radicaux libres de l'oxygène, ce qu'on appelle des radicaux libres communément, qui vont avoir un effet pro-inflammatoire. Et donc, ça fait partie des composants de l'endométriose. Mais, comme on a dit, c'est une maladie multigénique, multifactorielle, donc c'est une dimension où là, peut-être en diminuant l'inflammation, on pourrait également améliorer, par exemple, l'implantation et améliorer la fertilité, par exemple, et diminuer la douleur. Alors, l'autre domaine de recherche sur l'endométriose qui s'intéresse aux origines de la maladie, notamment aux origines génétiques et surtout épigénétiques, pour comprendre, comme on l'a dit depuis le début de cette émission, qu'il y a des facteurs, que c'est une maladie multifactorielle, donc avec des facteurs complexes, génétiques, mais pas que épigénétiques. Bref, bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes allé essayer de comprendre pourquoi il est précisément si complexe de trouver des marqueurs génétiques indiscutables pour cette maladie. Oui, et c'est Carole Abbeau qui a essayé de m'expliquer tout ça. Elle est actuellement en fin d'internat en gynécologie obstétrique et elle fait une thèse sous votre direction, Daniel Véman, ainsi que celle du professeur Bruno Borghez à l'Institut Cochin. Ses travaux de recherche portent sur l'identification de marqueurs génétiques de l'endométriose, mais aussi sur le déterminisme génétique et le caractère héréditaire ou non de la maladie. Elle nous explique comment elle s'y prend et comment elle cherche ces variants génétiques qui pourraient nous aider à mieux comprendre l'endométriose. Moi, la thématique de mon projet, c'est la science fondamentale autour de la génétique de l'endométriose et surtout l'intérêt de comprendre les mécanismes physiopathologiques en cause dans la maladie. Il y a une partie qui va s'intéresser plus spécifiquement à l'étude de micro-ARN, donc de petites séquences d'ARN qui vont réguler de façon négative des séquences d'ADN. Donc une des parties, donc c'est ça, s'intéresser aux micro-ARN régulateurs dans la maladie et donc essayer donc de mettre en évidence le rôle sur l'expression de gènes cibles dans la maladie et d'avancer sur donc l'identification de ces micro-ARN et leur mécanisme d'action sur la maladie. Une autre des parties du projet consiste à s'intéresser aux cas de familles atteintes d'endométriose. On a observé qu'il existait des cas où plusieurs femmes dans la famille à plusieurs échelles, maman, sœur, fille, cousine, étaient atteintes au sein d'une même famille, avec des cas souvent sévères dans ces familles. Et donc l'idée serait de... On imagine dans ces cas de familles atteintes comme ça sévèrement qu'il y a un déterminisme génétique dans la maladie qu'on espère mettre en évidence, par exemple mettre en évidence un variant génétique au sein de ces familles. Donc pour ça, grâce aux patientes suivies dans le service de Monsieur Chaperon, donc à l'hôpital Cochin, on a pu récupérer plusieurs dizaines de dossiers, donc de familles atteintes. L'idée, c'est de les rencontrer pour refaire ensemble l'arbre généalogique et identifier les personnes atteintes dans la famille, de faire un prélèvement sanguin, lorsque c'est possible, ou un prélèvement salivaire afin de recueillir l'ADN et de faire une analyse, un séquençage, pour pouvoir mettre en évidence, si on le peut, un variant génétique. Un autre dépend du projet consiste à l'analyse d'un récepteur qui s'appelle le LHCGR. C'est un récepteur qui donc agit au niveau des voies de la stéroïdogenèse, donc très impliqué dans la maladie. Donc l'idée, c'est que dans un des projets, plusieurs projets qui ont été menés ici au laboratoire, il a été montré que ce récepteur était exprimé de façon différentielle dans la maladie, surexprimé de façon plus ou moins intense chez les patientes. Et donc là encore, on imagine que, au vu de cette différence d'expression dans la maladie et même au sein même des patientes malades, il existerait sûrement un variant qui serait en cause, qui serait impliqué dans cette différence d'expression. Donc l'idée, c'est de, à travers différents prélèvements, différents implants de la maladie, donc des nodules d'endométriose recueillis lors de chirurgies réalisées pour ces patientes, d'en extraire l'ADN et de séquencer sur l'ADN de ces prélèvements la séquence spécifique du récepteur pour voir s'il existe des variants entre différentes patientes malades et différentes formes de la maladie. Voilà, beaucoup de choses intéressantes hein, dans cette recherche en cours sous votre contrôle, Daniel Véman, attentif, puisqu'on parle de gens qui sont dans vos équipes. Peut-être un mot là-dessus, on entend notamment à la fin de ce reportage différentes maladies. Pour le moment, on ne sait pas exactement établir les profils types de chacune de ces maladies qu'on regrouperait sous le nom d'endométriose. Exactement, et d'ailleurs c'est une des limites probablement très nettes des études à haut débit qui ont été faites pour séquencer des grands nombres de patients, des dizaines de milliers de patients. Par exemple, la première étude qui a été publiée, je crois, en 2011, est une étude japonaise. Et en fait, c'était des endométrioses autodéclarées. Et donc, ça veut dire qu'une femme se rappelait 10-20 ans avant avoir eu une endométriose ou quelque chose qui a été déclaré comme tel. Et donc, là-dessus, on a eu, bien sûr, une hétérogénéité énorme, ce qui fait que ça Alors que si on classe les patients mieux, peut-être qu'on arrivera à trouver des gènes beaucoup plus importants et avoir une médecine personnalisée. Parce que, comme dans toutes les pathologies complexes, le but, c'est d'avoir un chemin vers la médecine personnalisée. Marina Kvaskov, une réaction à ce reportage que vous venez d'entendre sur la recherche en génétique et en épigénétique. Qui dit épigénétique dit donc facteur extérieur. Et qui dit facteur extérieur, on parle souvent de perturbateurs endocriniens, surtout dans une maladie où les hormones ont un rôle aussi important. Oui, c'est tout à fait intéressant. Et effectivement, l'épigénétique est un petit peu l'interface de la génétique et de l'environnement. Comme Daniel l'a dit tout à l'heure, l'héritabilité de l'endométriose a été estimée à 51%. Donc ça veut dire que la moitié des cas seraient dus à la génétique et l'autre moitié à l'environnement. Et en matière d'environnement, on a plusieurs pistes de causes d'endométriose. Et parmi ces causes, donc il y a tout d'abord les hormones, puisque c'est une maladie hormonodépendante, l'endométriose. Les lésions des récepteurs hormonaux et elles prolifèrent en présence d'estrogènes. Et comme vous l'avez dit, les perturbateurs endocriniens sont une cause très plausible d'endométriose, puisque donc les substances chimiques à effet perturbateur endocrinien, on les retrouve un petit peu partout dans notre environnement, dans notre alimentation à travers les pesticides, dans les contenants alimentaires en plastique. Et donc depuis ces dernières décennies, depuis ces 50-60 dernières années, on utilise beaucoup plus ces produits qui sont incriminés dans plusieurs autres pathologies hormonales, puisqu'ils peuvent mimer l'effet des hormones. Et donc, pour l'instant, on a peu d'études qui étudient l'effet des perturbateurs endocriniens sur le risque d'endométriose. Mais c'est très plausible, et notamment une exposition lorsque l'exposition est in utero, c'est-à-dire lorsque la femme est enceinte, le bébé l'exposition du bébé lorsque la femme est enceinte est très importante pour le risque d'endométriose dans la vie future. Comment se fait-il, quand on parle de perturbateurs endocriniens, alors on pointe dans la littérature autour de l'endométriose les phtalates, des polluants organochlorés, le bisphénol A. Comment se fait-il qu'aujourd'hui on ne puisse pas établir de manière évidente un lien de causalité, puisque la suspicion, on le sait en matière de perturbateurs endocriniens pour l'endométriose, mais pour d'autres types de pathologies, de la thyroïde notamment, il y a des suspicions très fortes, mais on n'arrive pas à dire, voilà, c'est une évidence, c'est un fait aujourd'hui scientifiquement ou biologiquement établi. Comment expliquez-vous ça, Daniel Vément ? Alors, je pense qu'en fait, c'est en partie lié au fait qu'il y a eu peu d'études là-dessus sur des modèles animaux. Ça serait idéal en fait pour tester ça, c'est en fait exposer à des doses données de perturbateurs endocriniens par exemple des souris où on aurait induit des lésions d'endométriose et de voir en fait la progression de ces lésions. C'est tout à fait possible à faire. C'est juste après un problème probablement de financement. Encore une fois, donc dès qu'on touche des maladies de la reproduction, on est dans des degrés de financement qui sont moindres que dans le cancer par exemple ou dans la maladie d'Alzheimer. Parce que, pour diverses raisons, sociologiques, il y a l'histoire de Coluche sur que l'argent va plus aux prisons qu'aux écoles parce que les hommes politiques sont sûrs de jamais retourner à l'école. Donc c'est un peu pareil, je pense. Oui. Mais alors, outre la boutade, c'est pas seulement une maladie de la reproduction, c'est une maladie de la femme. On a traité ici beaucoup de l'inégalité du traitement fait aux femmes dans la recherche particulièrement sur des modèles animaux qui sont des modèles masculins, sur des études cliniques qui sont faites essentiellement chez l'homme. On s'est rendu compte qu'il y avait des différences là aussi en termes de récepteurs, que les effets secondaires d'un certain nombre de médicaments qui n'étaient que chez l'homme était beaucoup plus fort chez la femme. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, à visage découvert, Marina Kvaskov, que le déficit de recherche, de financement, d'information sur l'endométriose est lié au fait que ce soit une maladie qui ne touche que les femmes ? Complètement. Complètement, et aussi par rapport au fait que c'est une maladie qui est considérée comme bénigne. Or, bien qu'elle soit bénigne, elle a des conséquences très importantes en matière de santé, et notamment du point de vue de l'impact dans la vie quotidienne des femmes. Ce sont des douleurs très invalidantes. C'est la plus grande cause d'infertilité. C'est un quotidien très difficile, comme l'ont exprimé les témoignages tout à l'heure. Et c'est aussi une pathologie qui est associée à différentes conséquences sur la santé à long terme. Donc moi, un point de recherche que j'étudie, c'est l'étude des comorbidités associées à l'endométriose, c'est-à-dire le risque de pathologie chronique. Et on montre, dans la littérature, les études suggèrent que les femmes atteintes d'endométriose ont un risque accru de cancer, notamment de cancer de l'ovaire, mais aussi de maladies auto-immunes, d'asthme, de manifestations allergiques, de maladies cardiovasculaires. Sans parler de dépression, des risques psychosociaux qui sont liés au fait de souffrir tous les mois. On parle encore une fois, je le rappelle à nos auditeurs qui nous rejoignent maintenant, hein, sur une échelle de 1 à 10, de la douleur. On est à 10, c'est-à-dire des douleurs les plus violentes que le corps humain puisse encaisser. Justement, à ce propos, on arrive dans la dernière partie de l'émission. On va entendre justement la dernière partie du témoignage de Sophie Levasseur que nous écoutons depuis le début de cette émission, qui a été donc, je vous le rappelle, diagnostiquée, puis opérée, qui a pu heureusement avoir un bébé par fécondation in vitro et qui continue aujourd'hui à vivre avec cette maladie. Écoutez. Alors, il faut savoir qu'une endométriose, ça ne se guérit pas. Ça se soigne. Je revis quasiment normalement. Je ne vis plus en me disant « Ah ben là, je ne vais pas poser des vacances là, c'est la semaine de mes règles. » Enfin voilà, je réfléchis plus, on fait ce qu'on a envie de faire. Mais je sais que de toute façon, d'ici quelques années, il faudra repasser sur le billard de nouveau. Parce que voilà, elle va se redévelopper. J'ai une pilule particulière qui me permet d'avoir mes règles que tous les 3 mois, puisqu'en fait, il faut savoir que l'endométriose, à chaque règle, elle revient, elle repousse, comme on peut dire, les nodules se reforment. On le sait de toute façon qu'on a toujours cette épée de Damoclès, il faut vivre avec. Je pense que psychologiquement, il faut faire abstraction de cette maladie pour pouvoir justement avoir une vie normale et pouvoir évoluer. C'est une maladie de femme qui est potentiellement tabou, puisqu'on parle des règles, on parle vraiment de l'intimité féminine, de la procréation. Et j'ai envie de dire au pouvoir public qu'il va falloir se bouger un minimum, parce que ça fait souffrir les femmes. C'est des arrêts de travail, surarrêts de travail, c'est des traitements coûteux, c'est des FIV qui coûtent extrêmement cher à la communauté. Et je pense que pris plus tôt, ça coûterait d'une moins cher à la collectivité, et ça permettrait aux femmes de le vivre mieux en se disant « je suis reconnue ». On devrait être reconnu tout autant que quelqu'un qui a un cancer, puisque faut pas se leurrer, l'endométriose, on l'appelle le cancer dont on ne meurt pas. Parce que quand on ouvre, c'est exactement comme un cancer, avec des nodules, avec des espèces de métastases. C'est exactement pareil, l'endo visuellement. Et on en souffre vraiment, et on ne devrait pas avoir à se battre pour être reconnu auprès ne serait-ce que de la CPAM. Parce que voilà, les arrêts de travail à répétition, ça nous coûte cher, parce que nos employeurs ne nous financent pas les jours de carence. Moi, j'ai perdu énormément d'argent avant avec ça. Je pense, en tant qu'endo girl, qu'il y a bien plus de femmes que les 10% dont on parle, mais qui ne le disent pas, qui ont honte, qui ne vont pas voir le médecin ou qui sont face à des médecins qui ne sont pas formés face à ça. Parce qu'il faut savoir que dans un cursus de médecine, pour un médecin généraliste, il y a 1 heure. Sur les 8 années d'études qui sont données à l'endométriose, c'est rien. Et pourtant, la maladie, elle n'est pas rien. Voilà le témoignage de cette endo girl Sophie Levasseur que nous avons pu contacter grâce à l'association EndoMind, hein, l'importance des associations de patientes qui, à force de se mobiliser, ont fait bouger les lignes, faire en sorte que on en parle de plus en plus ici à France Culture, heureusement, mais aussi ailleurs. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, on entend beaucoup de choses quand même assez fortes, hein, notamment la formation des médecins généralistes. Marina Kvaskov. Oui, c'est vraiment une priorité dans les prochaines années, c'est d'améliorer la formation des médecins généralistes, mais aussi des médecins de toute spécialité, pour reconnaître l'endométriose, pour que ce temps-là diminue. La maladie n'est pas dans la liste des maladies reconnues et prises en charge par la Sécurité sociale ? Non. Non, pas du tout. Et justement, on souffre un petit peu du fait que cette maladie était taboue pendant des années. Là, on en parle beaucoup et je trouve que c'est l'année où on en a parlé vraiment le plus et je m'en réjouis parce que c'est grâce à la sensibilisation de toute la population qu'on va réussir à faire bouger les choses, justement. 2017, hein, puisqu'on est en 2018, donc c'est l'année dernière, 2017, année de la prise de conscience autour de l'endométriose. Il faut préciser peut-être que tout de même les pouvoirs publics commencent un peu à s'en saisir. Peut-être que ce n'est pas encore assez, mais j'aimerais tout de même que vous nous expliquiez, peut-être Daniel Véhement ou Marina Kvaskov. D'ailleurs, Marisol Touraine a signé une convention de partenariat entre l'État et l'association Info Endométriose pour mieux sensibiliser les femmes et le jeu public. Il y a un plan endométriose au niveau étatique. C'est un début, Marina Kvaskov, c'est pas encore assez. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui ? C'est une vaste question. Une vaste question. Bah, allez-y, on a encore 10 minutes, donc vous avez le temps. C'est une vaste question. Il y a beaucoup de choses à faire en termes de sensibilisation, comme on l'a dit tout à l'heure. En termes de recherche, il y a énormément de choses à faire. Pour l'instant, la recherche, elle est très clinique. Donc, c'est une recherche qui va beaucoup étudier les techniques chirurgicales, les traitements d'hormonothérapie, etc. Mais on a besoin de plus de recherches fondamentales pour comprendre un petit peu mieux les fondements et mieux comprendre, avoir plus de connaissances de manière globale sur la maladie. En termes de recherche épidémiologique, on a besoin de ces connaissances pour pouvoir établir des programmes de prévention de la maladie. Pour l'instant, les seuls facteurs qu'on connaît comme associés à l'endométriose, ce sont ceux qui sont associés à une exposition plus élevée aux menstruations. Donc c'est le fait d'avoir une puberté précoce, ou plus précoce en tout cas, donc inférieure à 12 ans, et le fait d'avoir des cycles menstruels courts, parce que les cycles reviennent plus souvent et donc on est exposé plus souvent. Et c'est aussi le fait d'avoir un indice de masse corporelle faible, c'est-à-dire que l'un des profils qu'on connaît pour l'endométriose, c'est que ce sont souvent des femmes grandes et minces, donc on pense que c'est par rapport à la fréquence plus importante de cycles anovulatoires qui ne produisent pas, donc qui sont vraiment très pauvres en production d'hormones. Et donc, y a très très très peu de choses qui sont faites là-dessus. Ce qu'on peut faire aussi, donc il y a tout un pan sur la recherche génétique dont Daniel a parlé. Il y a aussi un pan de recherche sur les biomarqueurs de détection précoce. Mm-hmm. Et ça, c'est une recherche qui est très importante parce que actuellement la maladie est tellement mal diagnostiquée que si on avait un test biologique qui nous permettait de vérifier, c'est-à-dire que voilà, on imagine une patiente qui est chez le médecin généraliste ou chez son gynécologue, on lui prescrit un test sanguin et elle peut savoir si oui ou non elle a une endométriose, ça ce serait formidable. Et donc ça c'est une recherche qui est actuellement en cours et il y a notamment un projet européen qui a été financé sur le sujet par une entreprise française qui s'appelle Endodiag, qui est en train d'essayer justement de découvrir les biomarqueurs de détection précoce de l'endométriose. Il y a plein de choses encore à faire. Quelques-unes des pistes, mais je vais demander son opinion à Dany Vaiman. On entendait, je le disais, je repointe, alors je ne vais évidemment pas jeter l'opprobre sur les médecins généralistes, mais on entend qu'effectivement, une heure de formation sur 8 ans pour un médecin généraliste, peut-être qu'une meilleure connaissance, une meilleure appréhension. On a parlé autour de cette table, par exemple, des maladies chroniques. On sait qu'il y a un déficit de formation sur ce type de maladie, sur le diagnostic, sur la prise en charge. Est-ce que c'est l'une des solutions à mettre en place, Dany Vaiman? En tant que chercheur qui travaille sur les maladies de la reproduction et sur l'endométriose, je ne peux que bien sûr acquiescer. Je suis complètement d'accord avec tout ce que Marina vient de dire. En particulier sur le côté recherche de biomarqueurs, parce que un test non invasif qui permettrait de savoir. Et bon, tout à l'heure dans le reportage, Carole évoquait la recherche de micro-ARN. Donc ils sont circulants dans le sang. Et c'est une recherche qui mobilise énormément de gens aussi. C'est-à-dire qu'il y a plein de publications qui sortent sur des profils de micro-ARN qui permettraient, peut-être très tôt aussi, peut-être avant en fait que les douleurs arrivent, de diagnostiquer ou de pronostiquer des patients. Avant la puberté ? Peut-être pas, parce qu'il faut quand même qu'il y ait déjà des signaux liés probablement à l'implantation des règles, mais peut-être très tôt, dès les premières règles, qui permettraient de savoir si une jeune femme est à risque de développer une endométriose et donc d'intervenir. Il y a un deuxième point qui est important, je crois que c'est l'information, non seulement des médecins, mais des parents. Bon, c'est sûr que moi j'ai des filles, si une de mes filles me dit « Papa, quand j'ai mes règles, j'ai mal, très mal tous les mois », je vais penser immédiatement à l'endométriose, mais je ne représente pas 90% des pères, j'imagine. Et puis, encore faut-il que votre fille vienne vous parler de ses règles, ce qui est encore un tabou, on l'a beaucoup dit, et ce n'est pas toujours facile aujourd'hui même de pouvoir en parler autrement qu'à ses copines qui ne sont pas forcément plus informées. Donc, il y a effectivement une démarche de formation à faire auprès du jeune public très importante. Tout à fait. Et donc, il faut en parler sans tabou, je crois, à tout le monde. C'est un peu comme beaucoup de choses. Il faut en parler aux parents, il faut en parler aux copains, il faut en parler il n'y a pas de limite. Aux médecins traitants. Il faut en parler aux médecins, etc. Donc, ça, c'est évident. Et donc, ça implique beaucoup de recherches fondamentales parce que, en fait, par exemple, si on regarde les papiers sur les micro-ARN qui sortent, il y en a des dizaines et ils n'ont aucun n'a pour le moment une liste cohérente en fait de micro-ARN. Donc c'est-à-dire que on aimerait bien l'avoir, mais on l'a pas encore. Donc il y a du travail à faire pour mieux harmoniser les techniques utilisées, qui sont des techniques quand même subtiles, etc. Dans la boîte Endodiag, ils travaillent plus avec, je crois, des biomarqueurs protéiques. En fait, c'est ça qu'ils cherchent plutôt à mettre en évidence. Ça pourrait être pas forcément idéal, ou peut-être qu'il faut combiner ça avec d'autres marqueurs. Mais moi, je pense quand même, je suis très optimiste de ce point de vue-là. Je pense qu'un jour ou l'autre, on va avoir un profil sérique qui va être typique de l'endométriose. Donc, il permettra de diagnostiquer à partir d'une prise de sang. Tout à fait. Le problème, c'est que c'est pas pour ça qu'on pourra forcément intervenir. Comme on l'a vu, cette patiente là dont on a pas qui a fait Sophie Levasseur. Voilà, Sophie Levasseur, elle a été opérée et elle a encore des lésions. Et on sait qu'après la chirurgie, les lésions reviennent. Donc en fait, la ligne d'arrivée, c'est la ménopause en fait, où là on devient tranquille. Mais ça fait long quand même à attendre. Et donc on voit en fait toutes les contorsions techniques qu'il faut pour arriver à ce qu'une patiente comme ça s'en sorte. Et donc il faut aussi envisager des méthodes thérapeutiques nouvelles. Des nouvelles drogues qui se contentent pas en fait de mettre la femme en ménopause avancée en quelque sorte, bien sûr, ou artificielle. Juste qu'il soit pas des hormonothérapies qui provoquent la ménorrhée comme on l'a dit tout à l'heure. 5 programmes hospitaliers de recherche clinique en cours en France, hein, à Rouen, Angers, à La Réunion, à Lille et l'APHP. Ça veut dire que tout de même là aussi on commence vraiment à mobiliser des forces différentes, dans différents domaines pour réussir à mieux circonscrire à la fois. On entend tous les objectifs thérapeutiques, de diagnostic, d'accompagnement, de soins que vient d'évoquer Daniel Véhement. Donc c'est bon signe, je dirais. C'est bon signe de trouver une petite note d'espoir dans cette émission. Oui, quand même. Oui, alors c'est vrai que, comme on l'a dit, la recherche est sous-financée sur l'endométriose, mais elle avance. Et justement, le travail de sensibilisation des associations de patientes bénéficie complètement à la recherche et au futur de la recherche. Parce que je pense que les pouvoirs publics vont être de plus en plus sensibilisés et qu'il va y avoir davantage d'efforts qui vont être faits pour financer la recherche. Il y a des études, hein, parce qu'on dit souvent que pour provoquer des réactions, il faut parler au portefeuille. Il y a des études qui ont été faites sur l'impact socio-économique de l'endométriose sur la société, en incluant évidemment les frais de santé, le coût pour la collectivité et la perte de productivité au travail. On arrive à une somme de 10 milliards d'euros par an pour la France. Enfin, ça donne l'ampleur quand même de... Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et un autre point qui, je pense, extrêmement rend optimiste quand même, c'est que les patientes qui ont eu une endométriose sont extrêmement sensibilisées et prêtes à se mobiliser, comme on le voit. Et ça veut dire que quand on les contacte pour dire est-ce que vous seriez d'accord pour une prise de sang, pour qu'on ait de l'ADN, dans beaucoup, beaucoup de cas, elles disent oui, quoi. Oui, l'importance des associations de patientes qui nous suivent sur Twitter, il y en a beaucoup qui ont suivi cette émission. Pour conclure, il nous reste quelques minutes. Si tant est que la méthode scientifique soit écoutée par nos gouvernants et par les pouvoirs publics, s'il y avait la première mesure aujourd'hui, s'il y a une mesure à prendre, c'est quoi? C'est développer la parole, c'est une mesure en termes de recherche, une mesure en termes de thérapie, une mesure en termes d'accompagnement tout au long de la vie, d'accompagnement, de suivi socio-psychologique. Marina Glaskov, ce serait une mesure intégrée, vraiment dans l'idéal, qui puisse intégrer justement une approche d'information, une approche de recherche. On ne pourra rien faire sans recherche, donc c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est très important, mais sans information non plus, sans accompagnement des patientes non plus, donc tout ça doit se développer en même temps, et je suis très optimiste sur ces développements. Daniel Véhement ? Moi je dirais qu'en fait, il y a une stratégie de court terme et de long terme. Le court terme, c'est l'information. Ça, c'est crucial. Et le long terme ou le moyen terme, c'est la recherche qui va permettre de capitaliser cette information, de faire qu'on a de l'information et qu'on va pouvoir faire quelque chose avec. Donc effectivement, c'est intégré, mais si on doit hiérarchiser, et j'agis contre ma paroisse, parce que moi je suis avant tout un chercheur, en fait, il faut informer. Informer, ça veut dire, encore une fois, aujourd'hui, quel type de plan d'action? Parce que, on l'a dit, hein, l'information, ça n'est pas juste à destination des parents ou des adultes, c'est vraiment intervenir en collège, en lycée. Aujourd'hui, quelles sont les portes d'entrée, Marina Glaskov, qu'on peut avoir dans les établissements scolaires pour vraiment faire en sorte que ces adolescentes soient aient conscience qu'elles peuvent souffrir d'endométriose et que il faut sortir de cette idée selon laquelle avoir mal pendant les règles c'est naturel. Eh bien, les portes d'entrée, ça pourrait être les infirmières scolaires, ça pourrait être les directeurs, directrices d'établissement, les enseignants, les parents. Donc toutes ces personnes qui sont en relation avec les adolescentes. Il y a une résistance encore à vouloir informer autour de l'endométriose. Vous avez l'impression que on vous prend un peu de haut, qu'on trouve pas ça très important ou pas essentiel à raconter? Non, moi chaque fois que je parle de l'endométriose, ça suscite vraiment une attention particulière et on est souvent très étonnés. Enfin là maintenant moins. C'est vrai que ces dernières années, quand je dis que je travaille sur l'endométriose, on me dit ah oui, j'en ai entendu parler. Avant, les deux précédentes années, on me demandait qu'est-ce que c'est l'endométriose. Donc ça va dans le bon sens, Daniel Véhement, vous confirmez? Exactement ce que dit Marina, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, en fait, l'oreille est attentive et les gens sont tout à fait disponibles. C'est un manque d'information plus qu'un refus d'écouter. Eh bien écoutez, on espère que vous allez écouter ou réécouter cette émission. Si vous l'avez prise en cours, vous pouvez la réécouter ou la télécharger, en tout cas sur le site de France Culture, franceculture.fr, pour la page de la méthode scientifique ou sur notre fil Twitter @lametodefc. Merci beaucoup Marina Glaskov. Merci Daniel Véhement. Merci donc à Endomine pour nous avoir facilité l'accès à une patiente. Et je vous rappelle que l'Endomarche, qui est une marche mondiale pour l'endométriose, pour sensibiliser aux problèmes liés à cette maladie, aura lieu le 24 mars prochain. On vous en reparlera bien sûr dans la méthode scientifique. Merci à toute l'équipe, Eve, Étienne, Antoine Beauchamp, Naïmina Guette-Saint-Villefranc, Céline Lozen, Sarah Igemans, Elisabeth Miro à la réalisation, Pierrick Monsigny à la technique. La suite de vos aventures sur France Culture, c'est une nouvelle semaine de LSD, la série documentaire dans quelques instants. Classer les choses, penser les hommes, une série signée Laetitia Durard et Doria Zénine. Dans un peu plus d'une heure, à 18h20, après le journal de 18h, immigration, quelle politique de sélection? C'est la question qu'Hervé Gardette posera à ses invités du grain à moudre. Et pour ce qui nous concerne, eh bien demain, direction l'espace et les origines de notre système solaire qui viennent d'être récemment remises en cause. Comment s'est formé le Soleil et les différentes planètes? On vous raconte tout demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.